Ok. C'est du rap ND. C'est du rap ND, rien à foutre du rap game. J'ai pour tout niquer, 2014 c'est la mienne. Oui, où c'est la mienne? Oui, où c'est la mienne? C'est mon année. Pas besoin de FND, t'inquiète. Je vais faire un freestyle, je t'explique. Je te laisserai peut-être des miennes. Toutes tes rimes étaient en rap, racis. J'aime pas les racistes, les materazzi. Je veux pas qu'on assiste à une paralysie. La France est en doute, la faute à qui? La faute au peuple, et puis tant pis. Vous avez qu'à voter blanc, avant de vous plaindre. Putain, ça fait 100 ans que c'est la même. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Je te ferai un coup de claque. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? On t'a pas mis assez de tacle. Franchement t'en as pas marre de danser sur la putain de mélodie politique. Faut qu'on la fasse faire fermer la boutique. C'est de l'anti-jeu pour gagner du temps. Je trouve ça litigieux, c'est conditionnement. J'en ai marre qu'on nous mente, qu'on nous monte les uns contre les autres. Tu veux pas non plus qu'on te lèche les portes. Bref, c'est l'époque, c'est glauque. Ça sort le glauque pour une clope. Le travail ne rapporte plus. Beaucoup ouvrent les portes. Du business ça rapporte plus. Obligé dédicace à Car James. Il a fait péter tous les démons. De l'FDJ maintenant roule en Benz. Dans ce cas-là y'a plus besoin de RAM. Abu Dhabi quand tu nous aimes. De sûr tu nous lâches plus. Respect on rêve de la même. Y'a plus qu'à se bouger le cul. C'est du rap indé. Indé. C'est du rap indé. Je demanderai à personne. C'est du rap indé. Indé. C'est du rap indé. Je demanderai à personne. C'est pour les révolutionnaires. Je veux des points en l'air. On se bat tous pour être indépendants. Il faut rester fier. Qu'on pense aux pères de nos pères. Combattre encore pour être indépendant. J'évite les cassos. J'évite les bastos. Perdu, on monte une assoce. La belle Zeta record dans le futur. La recette de ma sauce. Depuis que je suis gosse, tendu. C'est pas ma faute. Si tout le monde s'invente une vie pour être connu. J'ai bien envie de porter plainte. Mais ce serait trop facile. Je passe le message dans les enceintes. Pour te rendre la vie difficile. Ensuite je passe à l'attaque. Physique taf, n'hésite pas. Critique-moi, visite pas. Dans ma tête c'est trop noir. Surtout ne sois pas fragile. La vie c'est comme un tournoi. Je te conseille d'être agile. Ici c'est Mortal Kombat. T'entends jusqu'à ta mort. Les autres le feront pour toi. Fais ta pute, salope. Qu'est-ce qu'il gagne, galope. Tu te sens mal, alors ça sera fini à ta mort. À force de vouloir faire du mal, je voulais acheter des thunes avec des histoires de balles. Ça te retombe dessus, ça te retombe dessus, et c'est pas plus mal. C'est du rap indé. Indé, c'est du rap indé. Je demanderai à personne. C'est du rap indé. Indé, c'est du rap indé. Je demanderai à personne. C'est pour les révolutionnaires. Je veux des points en l'air. On se bat tous pour être indépendants. Il faut rester fier. Qu'on pense aux pères de nos pères. Combattre encore pour être indépendants. Imagine donc les conséquences. Si le peuple était uni. Tu connais la dépendance. Fuck les États-Unis. On espère avec la chance. On parie sportif. On aime tous l'élégance. Rêve d'une Maserati. Les jaloux qu'on en pense. On n'écoute pas leur avis. Évite les nuisances. Reste ton seul ami. La raison de nos danses. Libérer les ennuis. Et si tout le monde se balance. C'est que l'homme est égoïste. C'est du rap indé. Indé. C'est du rap indé. Je demanderai à personne. C'est du rap indé. Indé, c'est du rap indé. Je demanderai à personne. C'est pour les révolutionnaires. Je veux des points en l'air. On se bat tous pour être indépendants. Il faut rester fier. Qu'on pense aux pères de nos pères. Combattre encore pour être indépendants.